Il faut d'abord imaginer que la ville métropole se serait urbanisée de manière dense et uniforme sur tout son territoire. Des gratte-ciel et tours gigantesques auraient poussé de terre il y a bien longtemps pour subvenir aux besoins de logements croissants d'une population en constante expansion. Au fil des décennies dernières, les contours des côtes se sont redessinés, les fleuves sont sortis de leurs lits, se sont élargis, et l'eau a grignoté centimètre après centimètre, d'abord les caves, les rues, les rez-de-chaussée. Puis inexorablement, étage après étage, l'eau est montée entre les immeubles, engloutissant à certains endroits jusqu'au 10e étage. Il faut aussi imaginer une chaleur moite et l'eau verte qui clapote doucement contre le béton. Au fur et à mesure que l'eau montait, les populations auraient fortifié les constructions, consolidé les fondations de l'érosion saline et bricolé des passerelles, escaliers, quais et digues pour circuler à la surface de l'eau. Les plus favorisés se sont installés à la surface dans les derniers étages, encore exposés à la brise rafraîchissante, ainsi que sur les toits des immeubles qui, elles, ont végétalisé. Ces surfaciens ont installé des panneaux solaires qui leur permettent d'être les seuls à bénéficier d'une relative production d'électricité et d'accès au réseau. Depuis quelques dizaines d'années, on voit apparaître chez certains une mutation qui se répand de génération en génération. Les corps de ces surfaciens ont développé la faculté de faire une légère photosynthèse, provoquant un verdissement de leur peau sur les parties les plus exposées au soleil. La dernière génération voit même apparaître de petites corolles tout autour de leur tête. Il faut ensuite imaginer, en haut, une lumière crue, brûlante, brillante, reflétée par le vert des derniers étages. Tandis qu'à la surface de l'eau, la hauteur des immeubles feutre d'ombre les canaux. De leur côté, les populations qui vivaient dans les étages inférieurs ont développé peu à peu des capacités amphibies, leur permettant de vivre à la fois à la surface et sous l'eau, devenant du même temps une population marginalisée, mais également faisant passage entre deux mondes, à l'intersection de la surface et de la sous-face. Les amphibiens ne disposent pas d'électricité et ont peu d'autonomie respiratoire au-dessus et en dessous de l'eau. Et elles sont condamnées à vivre entre l'air et l'eau, comme les roseaux. Et elles ont développé leur propre langage codé, en provoquant des ondes à la surface de l'eau, bien que les populations surfaciennes viennent régulièrement perturber ces communications lors de pratiques sportives aquatiques à visée récréative. Il faut encore imaginer l'odeur de l'eau saumâtre, dans laquelle perce celle des fleurs de nénuphar et de plats mijotés dans la fraîcheur des habitations. Il y a un lieu appelé la bogue, qui est une grosse bogue flottante et nomade qui constitue un lieu de croisement et d'accueil pour les différentes populations, notamment celles en marge. Il n'y a pas d'entrée visible. On y pénètre uniquement en connaissant le mot de passe, constitué de vibrations subaquatiques. La taille de la bogue varie en fonction du nombre de personnes qui l'occupent. Il faut enfin imaginer l'écorce vieillie du seul grand arbre subsistant, un cèdre de l'Atlas devenu pleureur, en haut de ce qui fut le parc du Tabor. Là, des jardins sous-marins sont apparus à la sous-face, poussant dans des bulles d'air emprisonnées sous des cloches de verre. Des algues migrantes de l'océan se sont massivement développées dans la Vilaine et elles sont rapidement devenues jungles. Elles se sont révélées très utiles pour les populations à plusieurs égards. Elles contiennent d'énormes bulles de gaz qui chauffent avec le soleil et deviennent incandescentes la nuit, créant ainsi un éclairage naturel à la surface. Elles permettent également d'accueillir des graines et d'y faire pousser des plantes comestibles. Et elles favorisent l'emprisonnement de poches de CO2 dans la sous-face, permettant aux personnes non amphibiennes averties de respirer sous l'eau. Vous venez d'entendre la diégèse du monde, dans lequel aujourd'hui nous piocherons, tel le sac de graines d'Ursula Le Guin, les histoires dont nous avons besoin et que nous allons vous raconter ensemble. C'est une histoire. C'est une histoire de deuil et d'adieu. C'est une histoire de deuil, d'adieu et d'un embranchement narratif manqué. C'est une histoire de deuil, d'adieu, d'un embranchement narratif manqué et de mots qui ne seront jamais prononcés. C'est une histoire qui n'est jamais advenue. Entre un danseur amphibien, un peu trop abîmé pour danser comme l'aurait voulu le monde, et celui qui n'est encore que le reflet de ce qu'il pourrait devenir. C'est un soir. Celui qui est reflet regarde depuis l'ombre la méduse mouvante, au milieu du cercle de planches en bois dotées de voiles colorées qui transportent les surfaciens descendus pour l'occasion. Le danseur occupe le centre de la scène flottante tentacule, et son corps ondule comme tous les soirs dans la lumière des lymphadères au crépuscule. Celui qui est reflet sait qu'il partira après la danse de son amant et que celle-ci est la dernière qu'il regarde. Alors peut-être cherche-t-il un signe dans les gestes du danseur ce soir. Un signe que lui aussi saurait. Mais pour le moment, rien ne transparaît. Il faut regarder les surfaciens, déjà médusés de la danse qui commence. Ils sont seuls ou regroupés par deux ou trois sur les planches à voile. Dans la lueur des bulbes gazeux, le vert de leur peau prendrait teinte dorée. Certains ont la tête penchée, comme pour mieux entendre une musique inexistante. La danse n'étant rythmée que du clapotis de l'eau et du chuintement de la méduse. Ils ne savent rien du danseur, ni du reflet qu'il observe pour la dernière fois et de ce qui se joue entre eux. Pourtant, c'est eux qui les premiers vont percevoir la faille dans la danse. C'est d'abord un léger déséquilibre qui déclenche un murmure, un froncement de sourcils exigeant sur l'une des planches. Un geste maladroit du danseur, inhabituel de sa part, provoque un chuchotement et un doigt vert tendre se tend dans sa direction. Le murmure s'amplifie sur un trébuchement et se propage le long des embarcations. La gêne du danseur devient impossible à ignorer, même pour le reflet préoccupé qu'il observe dans l'ombre. Les embarcations quittent une à une la scène, la lumière et le danseur se désintéressant du spectacle bancal. Le reflet hésite, partage la solitude, la honte et la désolation du danseur délaissé. Le reflet hésite. Il se dit qu'il pourrait partir maintenant, dans l'ombre comme le reste du public, et disparaître ainsi, clôturant silencieusement leur histoire et la nôtre. Ou alors, il pourrait depuis l'ombre faire vibrer l'eau de la pointe de sa nageoire et faire parvenir ainsi un message silencieux au danseur, un message de soutien, de rassurance et de présence invisible. Ou alors, il pourrait aussi sauver toute l'histoire, monter sur la scène gélatineuse, improviser une dernière danse, enfin dans la lumière, briller ensemble, happer la fascination traînante des derniers témoins. Il pourrait dire une dernière fois au monde le plaisir qu'ils ont eu d'y danser ensemble. Il faudrait ensuite s'expliquer, bien sûr, mettre des mots sur ce départ, essayer d'expliquer qu'un ailleurs attend et que le reflet ne veut plus attendre. Il faudrait tenir bon, redire non à une danse de plus qui en appellerait une autre. Bien sûr, il faudrait aussi regarder sa colère, l'écouter, lui faire face et l'accepter sans bouger. Bien sûr qu'il tenterait de se rassurer en évoquant l'éventualité de retrouvailles illusoires auxquelles personne ne croirait vraiment. Peut-être qu'il se rappellerait à ce moment-là de leur début, des premières fois tremblantes et humides tout au bout de nuits frénétiques. Et sans doute qu'au bout du compte, ils se diraient que tout ça n'est pas bien grave et se souhaiteraient mutuellement bonne chance. Mais dans tous les cas, il faudrait à la fin partir, tourner les nageoires et avançait seul pour embrasser l'ailleurs, sans retour possible. C'est l'histoire d'Onde en mutation, racontée au creux du coucher de soleil, enveloppée dans les bouées à la lumière chancelante. Onde est née à la surface, en haut d'un immeuble, au sommet d'un petit gratte-ciel encore debout. Là où il n'y a plus de lumière et où elle peut photosynthétiser à foison. Onde a toujours vécu là. Onde est aventureuse. Et surtout, depuis quelques mois, Onde sent une gêne, un inconfort. Quelque chose gratte sous la peau vert tendre de ses épaules et de son visage. Quelque chose entrave la légèreté. Avant, il y avait eu cette histoire à la Bogue, où elle était arrivée en suivant des amis qui, elle, connaissaient l'entrée cachée et le mot de passe. Qui est le en était. Bref, Onde les avait suivis par bravoure, bravache, aventure, pour s'amuser, pour agrandir les contours de son connu et de son habituel quotidien. Ce soir-là, elle avait pour la première fois aperçu la couleur nacrée d'une écaille au loin. Et quelque chose en elle avait bougé. Le monde s'était repositionné autour de ses certitudes. Les lumières avaient éclairé ses idées différemment. Elle avait même respiré de manière plus profonde ce jour-là. Tout cela se mélange dans un lever de soleil du jour où Onde a décollé vers des ailleurs, le jour où l'inconfort a pris trop de place, le jour où les pièces des tourmentes intérieures se sont assemblées. Ce jour-là, rien n'allait et tout allait à la fois. Même la lumière tant chérie du soleil avait une saveur un peu fade. Il fallait alors trouver des astuces, celles pour sortir de ce corps verdâtre, un peu flasque et souple, celles vers acceptation et tendresse envers soi. Onde avait besoin de solutions concrètes pour commencer à s'aventurer dans l'horizon transamphibien qui lui faisait de l'œil et attiser sa curiosité depuis ce qu'elle appelait en elle-même le jour de l'écaille. Elle pourrait danser. Pour accueillir ou clôturer. Danser pour elle-même. Pour célébrer la joie d'être. Et de muter sans promesse. Elle pourrait huiler entièrement son corps. Et le recouvrir de poussière de coquillages. Ceux qui traînent dans la salle de bain du lieu où elle habitait jusqu'à présent. Devenir nacré. Bouger. Dans une nouvelle enveloppe sensorielle. Et se rendre compte qu'avec sa couleur vert pousse. La nacre rappelle la couleur de l'écaille tant imaginée. Elle pourrait savourer ce moment coloré et joyeux de transmutation visible vers cet univers amphibien. Onde savoure ce moment réjouissant et nacré, car ces possibilités existent tout ensemble. Ces embranchements se superposent. Les réalités complexes se tissent. Onde part à l'aventure. La Bogue était amarré à un cimetière de bateaux, d'épaves abandonnées. Il fallait partir à la recherche de l'épave des méduses, en profondeur de la sous-face. Un petit groupe s'était motivé. Onde faisait partie du projet. Il y avait aussi Balthazar. L'écaille nacrée des mois de doute. À qui elle confia assez tôt ses hésitations. Elle ne pouvait pas respirer très longtemps sous l'eau. À la différence des personnes amphibiennes et des habitantes de la sous-face. Il lui manquait des outils. Elle voulait suivre le groupe. Si fort. Faire fi de ses propres limites. Ça la mettait en joie tout ça. Elle voulait en être. Et puis, elle s'était si souvent entraînée à retenir sa respiration. Elle pouvait le faire. Ça allait aller. Peut-être que ça irait. Peut-être que les méduses n'étaient pas si loin. Peut-être que si seulement. Juste peut-être. Balthazar pourrait la couver du coin de l'œil. Balthazar pourrait lui raconter, l'aiguiller, lui poser quelques rails sur son chemin de fer. Balthazar, à l'air, à l'aise et aux écailles lumineuses, pourrait sûrement... En fait, il y a une vieille planche à voile abandonnée, un peu bourgeoise, pas très loin de là où on en est. Balthazar propose à Onde de s'y poser, chiller, respirer. C'est important quand même de respirer suffisamment pour se sentir bien. Les voilà installés, Onde intimidée. Balthazar luisant nacré. Il lui parle des poches d'air sous-faciennes, qui permettent de respirer un peu à la sous-face pour les personnes assignées surface à la naissance. Il lui parle de son propre parcours amphibien. Il lui parle des pratiques de modification corporelle qui existent. Les yeux d'Onde synthétisent la lumière du jour, petite paillette gazeuse. Il lui propose une de ses écailles. L'histoire se termine sur l'ombre de ces deux personnes papotant, assises sur une planche à voile désaffectée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans les gradins? Swan est amphibienne. Et pour cela, l'eau est l'endroit où elle se sent le mieux. Swan a éclos avec ses frères et sœurs il y a plusieurs années, accouchée d'un père amphibien et d'une mère pêcheuse d'huîtres. C'était sur les rives du Tabor, près du vieux cèdre d'Atlas, désormais tout essolé. Le jour de la naissance de Swan est une très belle histoire, mais c'est une autre histoire. Notre histoire est une histoire de rencontre, aussi désirée que surprenante. Une histoire prenant place quelque part à Saint-Jacques-des-Calanques, nichée dans les alcôves d'algues architecturées que laisse apparaître un phénomène de marée fragile, aux effets luxuriants. Ce jour-là, Swan avait suivi les courants chauds qui partent de la sous-face rennaise vers le sud-ouest. Ce jour-là, Swan avait suivi les émotions induites par la conscience collective de la bogue et en banc organisé s'était dirigé vers Notre-Dame des Calanques pour prendre soin de la marée montante. Cela faisait plusieurs dizaines d'années qu'autour de la Nantes engloutie était apparu un écosystème régénéré. Des ossatures d'algues agglutinées s'étaient peu à peu calcifiées avec le temps et l'accumulation des résidus du monde solide. Ces structures ou architectures formaient des réseaux géométriques qui dépassaient à marée haute très légèrement de la surface de l'eau, laissant apparaître des niches et des alcôves. Ces alcôves, avec le temps, avaient accumulé un mélange de nutriments très particuliers, à la fois terrestres et marins. Un compost aquatique créant ainsi un biotope unique, ayant permis l'émergence de plantes comestibles pour les amphibiens, riches en oxygène et facilitant leurs allers-retours entre surface et sous-face. C'est le 14:30 pour Saint-Malo. Malgré tout, cet espace fragile nécessitait un soin particulier pour être maintenu, un équilibre ténu entre ce qu'apporte la marée et la faune de la surface. Et ce soin n'était pas uniquement prodigué par l'olobionte de la bogue. Et se rendre à Notre-Dame-des-Calanques était aussi une manière de rencontrer d'autres amphibiens, de réorganiser l'hydrodynamie des bancs. Swan s'était spécifiquement parée de fossiles en écailles de tétranéon pour signifier qu'elle était dans une prédisposition relationnelle, fluide et transbanc. Et c'est donc les palmes dans le compost et les yeux bleus métalliques que Swan rencontra Onde, ou plutôt Conde, vint à Swan. Comment se passe une rencontre entre deux amphibiens issus de bancs différents? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, ils se regardent dans les yeux, identifiant mutuellement les indices et les attitudes produits par chacun. Puis après un court moment de silence, elles se présentent l'une à l'autre en révélant leur nom. Onde. Swan. Puis, elles entament une discussion pour faire connaissance, chacune parlant de son banc. Swan était insatiable sur son amour de la bogue. Comment décrire cette incroyable sensation de ne jamais être seule tout en ayant toujours l'espace individuel dont on a besoin? Comment décrire les chorégraphies spatiales de la vie en banc, la synchronisation des mouvements, la circulation des idées, la mise en commun des besoins et des désirs? Onde relançait Swan sans cesse. Et Swan profitait de chaque monologue pour se plonger peu à peu dans la finesse des questions posées par Onde. Onde était magnifique. Et ses yeux révélaient une naïveté qui n'éclipsait en rien la brillance de ses intuitions. Enfin, si la discussion et les présentations étaient stimulantes et satisfaisantes, l'une pouvait inviter l'autre à nager à ses côtés. C'est ce que fit Onde et ce qu'accepta Swan. Elle nageait côte à côte, et Swan, de plus en plus troublé par le magnétisme d'Onde, n'arrivait pas à s'arrêter de parler. Après avoir parlé de sa vie à la bogue, elle poursuivit sur la vie des amphibiens, sur le fait d'être une population interface entre la surface et la sous-face, et de l'importance de prendre soin des architectures de Notre-Dame-des-Calanques et la volonté des gens de la surface de contrôler des éclosions d'amphibiens. Puis, Swan réalisa. Swan réalisa qu'on de nager plus lentement. Swan réalisa que la discussion sur les amphibiens semblait mettre Onde mal à l'aise. Swan réalisa qu'on semblait aussi avoir besoin de nager à proximité de la surface. Puis une avalanche de détails se révéla à Swan, tout comme elle ne put s'empêcher de mener une enquête et de chercher des indices. Après avoir mené son enquête méticuleusement pendant les 5 secondes les plus longues de sa vie, Swan avait compris 2 choses. Onde était l'une des amphibiennes les plus courageuses qu'elle ait rencontrées. Et surtout, Swan était en train de passer l'un des moments les plus tendres de sa vie. Alors, Swan réussit enfin à s'arrêter de parler. Elle prit onde par la nageoire et la guida vers la surface. Leurs deux têtes hors de l'eau, elles regardèrent un long moment dans le silence les vagues et se présentèrent de nouveau. Swan. Onde. Swan approcha ses fossiles, couleur tétranéon, vers Onde, ce à quoi Onde répondit en mettant en contact ses propres fossiles de poisson clown. Puis, prenant son courage à deux mains, Swan demanda. Voudrais-tu aller faire une sieste avec moi dans les architectures à marée basse ? Ponyo est un jeune adulte, au genre non défini, rêveur, avec une tendance à la mélancolie. Ponyo ne sait pas où il est né. Mais il sait où il a grandi. Tout en haut de la Tour des Horizons, au pied de laquelle les vagues de l'océan Atlantique viennent se briser dans une danse lente et répétitive. Comme tous les jours, à l'heure où les autres se mettent en route pour la pêche, Ponyo se hisse sur le toit de la tour et observe le bal des bateaux glisser sur l'écume. On ne lui a jamais dit pourquoi. Mais Ponyo n'a pas le droit d'approcher de la surface. Les autres lui ont dit que c'était dangereux pour lui. Qu'il était spécial. Que l'eau de mer pourrait lui être fatale. C'est peut-être dû au fait qu'il n'a pas la peau verte comme eux. Chaque jour, après avoir observé les bateaux, Ponyo va toquer à la porte d'un des habitants de l'immeuble pour discuter, partager du tartare d'algues ou jouer à des jeux de société. Au fil du temps, il apprend à connaître les habitants du 10e étage. Puis du 9e. Puis du 8e. On lui a bien interdit de descendre 7e, l'étage le plus près de la surface de l'eau. Pourtant, c'est là qu'habite Altar, un voisin amphibien qui est toujours courtois, rieur, et qui lui offre régulièrement des nez capturés à la surface, dont Ponyo raffole. Altar a plusieurs fois invité Ponyo à passer chez lui. Mais Ponyo n'avait jamais osé descendre à son étage. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Ponyo se sent courageux et il descend au 7e étage. Une odeur d'iode émane fortement dans tout le couloir et l'air semble saturé de sel. Ponyo s'approche de la porte 32 et toque doucement. Altar pourrait alors ouvrir la porte, simplement couvert par sa serviette de bain. L'air surpris et heureux. Un nuage de vapeur venant de la douche récemment prise pourrait soudainement envahir le couloir. Et envelopper le corps de Ponyo. Au contact de la vapeur, Ponyo pourrait ressentir un grand plaisir lui chatouiller la colonne. Et sa peau se couvrirait alors de dessins d'écailles. Ponyo est effrayé par ce mélange de sensations agréables et de modifications corporelles. Il prend ses jambes à son cou et va se réfugier sur le toit, au plus loin du 7e étage. Ponyo n'est jamais sorti de son immeuble. On ne lui a pas donné le droit. Il rêve parfois de voler comme les oiseaux et de pouvoir explorer le reste du monde. Car il doit bien avoir autre chose ailleurs. Il est alors interrompu dans son flot de pensées par la voix d'Altar, qu'il a rejoint sur le toit après s'être habillé. Il tient dans sa main deux boissons chaudes et entend une à Ponyo. Altar pourrait alors lui dire ce qu'on ne lui a jamais dit. Que Ponyo est lui aussi un amphibien. Qu'il est fait pour vivre dans l'eau. Qu'il peut même respirer en dessous de l'eau. Et que c'est une sensation incroyable que de nager librement dans l'océan infini. Il pourrait alors s'approcher du bord du toit et plonger dans l'océan pour inviter Ponyo à le rejoindre. Ou alors il inviterait Ponyo à le rejoindre au pied de l'immeuble, sur le ponton en bois, et venir s'asseoir sur un nénuphar quelques mètres plus loin à la surface, afin d'observer ensemble le coucher du soleil. Personne ne peut comprendre ce que ressent Ponyo à ce moment-là. Lui-même n'avait jamais osé voir l'évidence. Il est un amphibien. Son corps est fait pour l'eau. Et il n'a jamais mis un pied dedans. Téméraire et déterminé, Ponyo observe Altar assis tranquillement sur son nénuphar. Et décide de le rejoindre. Sans prendre le temps d'une quelconque précaution. Il saute brusquement dans l'eau. Mais alors son corps est saturé de sensations nouvelles et très fortes. Et la peur l'envahit soudainement. Il tente au départ de vaincre sa peur, mais il ne sait même pas nager. Et se retrouve bien vite sur le ponton. Altar est terrifié. Altar pourrait alors lui dire qu'il serait sur le nénuphar tous les soirs à la même heure, et que Ponyo pourrait le rejoindre quand il sera prêt. Ou bien, il pourrait être aux côtés de Ponyo sur le ponton. Et il lui dirait alors... Tu sais, tu n'es pas obligé de conquérir par la force. Et la souffrance, cette nouvelle part de toi. On peut y aller tranquillement. À ton rythme. Tu as tout le temps du monde. Altar pourrait ensuite amener Ponyo face à un petit bac. Un pédiluve permettant de s'asseoir face à la mer, en trempant uniquement ses pieds. Ponyo s'assoit et redescend un peu. Il trempe doucement ses pieds dans l'eau tiède et sans même s'en rendre compte, voit ses orteils se décoller pour révéler de petites palmes qui semblent frétiller de plaisir. Mais bientôt, l'eau du pédiluve se vide et Ponyo se retrouve à sec. Frustré. Il n'est pas prêt à quitter ce contact aquatique. Altar pourrait alors l'amener à un endroit où il peut entrer dans l'océan en ayant pied. C'est un grand escalier en bois qui s'enfonce progressivement vers le fond de l'eau et permet de s'immerger progressivement. Ponyo commencerait vaillamment à descendre les marches, mais se sentirait à nouveau envahi d'une peur panique. Altar pourrait lui enseigner une technique de respiration qui permet d'être à l'écoute de soi et lui dire « Vois-tu, Ponyo ?» Être à l'écoute de l'océan. C'est être à l'écoute de soi. Ponyo apprendrait à respirer calmement et réaliserait alors que le rythme des vagues se mettrait à se caler sur son rythme de respiration. Ou peut-être est-ce Ponyo qui insuffle son rythme aux vagues ? L'histoire se termine sur l'image de Ponyo prenant son temps, descendant quelques marches puis en remontant d'autres. S'arrêtant parfois pour vérifier son souffle, apprenant petit à petit à maîtriser sa peur. Et découvrir tout le plaisir de ses nouvelles sensations sur son corps. C'est la fin de la journée. Le soleil baisse, rasant l'eau, et les habitants de la bogue se laissent flotter en planche sur le dos, dans les quelques centimètres d'eau chauffée par le soleil. Ils et elles sont en train de se raconter leur journée en regardant le ciel. Et elles sont fatiguées d'une bonne fatigue d'exercice. Onde porte une combinaison au motif de branchies et est allongée sur une planche à voile. L'holobionte de la bogue a passé une partie de l'après-midi à rentrer et sortir de l'eau. Sentant les effets du liquide sur chaque partie de leur corps, ressentant la puissance du soleil et la fraîcheur du fond de l'eau sur leur peau, jouant de leurs capacités respectives pour s'impressionner et se faire rire mutuellement. Yel expérimentèrent la photosynthèse de sous-face, ainsi que l'électrolyse à sec pour faire siffler les lamelles des branchies. C'est finalement sur des planches à voile qu'elles jetèrent leur dévolu sans vraiment savoir comment s'en servir. En équilibre sur l'une des planches, celui qui fut un jour reflet et qui a depuis pris le nom de Grimm effectue en miroir une chorégraphie avec Swan, resté sous l'eau et lui servant de reflet. C'est une danse surfacienne, lente et martiale, que Ponyo connaît bien. Une pratique de la photosynthèse en mouvement, permettant de cueillir les derniers faisceaux de lumière au ras de l'horizon pour oxygéner le corps d'une caresse crépusculaire. Onde dans sa combinaison, joue depuis un moment avec une orque magnifique. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux avec ce cétacé installé depuis peu aux abords de la bogue. Elle et Onde y sont arrivées à peu près en même temps et l'on sent entre ces deux êtres une grande complicité et bienveillance. L'orque projette de l'eau avec ses évents sur la voile de la planche pour lui donner de l'élan. Jusqu'où peut aller la planche à voile avec de telles projections ? C'est ce jeu auquel tout le monde a joué toute l'après-midi, en se passant la planche à voile de main en main, de nageoire en nageoire, de patte en patte. Le soir tombe. Ponyo et Altar commencent à jouer, à deviner quelles sont parmi les algues à bulbes, celles qui s'illumineront après avoir chauffé toute la journée. Chacun en identifie une, puis s'assoit sur l'une des bulbes qui remonte à la surface. Il s'amuse même à sauter d'algue en algue, de bulbe en bulbe. Plus tôt dans la journée, la rencontre avait commencé autour d'un repas, parce que tout le monde adore manger. Onde avait apporté des plantes de la surface que Swan avait mélangées avec des nutriments récoltés à Notre-Dame des Calanques pour préparer un potager interstitiel. C'était un pique-nique géant sur un grand nénuphar, suivi d'une sieste sur des planches à voile. Onde est allongée sur l'orque. Peut-être est-ce parce qu'elle se sent à l'écart, mais il semble plutôt qu'elle colle son oreille à la peau de l'animal. Onde écoute le cœur cétacé battre lentement et remue ses bras en même temps que les nageoires de l'épaulard. Sa peau a une texture incroyablement douce, proche de la peau d'un bébé phoque lisse et couvert d'un léger duvet. Pendant ce temps, Pogno et Altar, qui jouaient sur les globes lumineux, ont glissé riant. Ils gloussent désormais dans les airs, maintenant que les globes planent en éclairant la nuit tombante. Swan et Grim sont en train de réunir des feuilles de nénuphar pour dresser une grande tablée. Grim ramène un fruit trouvé dans l'après-midi, une plante confiée par un autre banc, un confit d'algues préparé depuis 3 jours en vue de ce moment. La nuit tombe tout juste, le son lointain de rennes s'éteint progressivement, les animaux nocturnes s'éveillent et on entend des petits piaillements d'oiseaux et des cris de grenouilles. L'orque émet un chant très bas et très doux, dans une lente modulation qui accompagne les mouvements d'onde. Au son de ce bruit très bas, Onde émet un bourdon, une octave au-dessus. Puis, Swan rejoint le bourdon d'un regard complice vers Onde, en émettant un son par ses branchies. D'autres les rejoignent, vibrant d'une manière ou d'une autre, et bientôt, c'est tout le banc qui entame une improvisation légère et joyeuse. Une pluie tiède commence à tomber. Balthazar, au loin, émet un son de basse rythmé et grave qui accompagne ce moment multi-créature. Swan se dirige vers Balthazar, attiré par l'énergie tranquille de son chant, et s'éloigne du groupe pour le retrouver. La pluie tombe maintenant depuis quelques minutes et s'intensifie. Swan et Balthazar se laissent tomber en slow motion sous la sous-face de l'eau. Ensemble, Yel observe les gouttes de pluie depuis le dessous de l'eau, captivée par le spectacle vibrant de l'averse, ponctué de globes illuminés. Dans leur chute statique, Swan et Balthazar sont symétriquement allongés dans le prolongement de l'autre. Dans le groupe devant la bogue, les gouttes se mêlent à la composition musicale, l'arythmant et animant palmes et pattes. Certains se mettent à danser, seuls ou en groupe. Par groupes mouvants qui se lient et se délient de manière fluide et organique au son de cette improvisation rythmée par la pluie et qui produit une musique lancinante et répétitive aux variations subtiles. À un moment, Pogno se roule en boule contre Altar et s'endort au milieu de celles qui continuent à chanter, danser, murmurer autour. Pogno glisse doucement dans un sommeil agréable, dans un rêve où se rejoue l'écosystème qui le contient. La bogue pulse au rythme de la joie et émet une très légère lueur, attirant au fur et à mesure des pulsations les formes de vie aux alentours. Haut dans le ciel, un goéland scrute la scène, contemplant le scintillement des bulbes, le chant océanique des clapotis, des nageoires et de la pluie qui tombe. Puis il s'éloigne vers le large, emportant avec lui dans la brume la musique, les murmures et le souvenir de ce moment. Les textes que vous venez d'entendre sont issus de Storycaring. C'est un protocole d'improvisation narrative et collective et qui est donc développé par les Mutines Mutantes depuis 2019. Ce qui nous intéresse avec Storycaring, c'est comment on tisse nos imaginaires, comment on les malaxe, comment on crée des histoires ensemble qui nous permettent de trouver des solutions à des enjeux qu'on rencontre dans nos quotidiens. Voilà. Si vous avez des questions, je crois qu'on a le droit de rester là encore un quart d'heure de plus. Voilà. Enfin, il y a un moment de questions si vous le désirez. Mais c'est pas obligé. Pardon, merci beaucoup pour ce partage, c'était super cool, c'était hyper reposant, c'était de l'ASMR, c'était merveilleux. Et du coup, vous avez un peu expliqué comment vous avez, enfin pourquoi vous avez fait ça et dans quel cadre vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Et deuxième question, est-ce que vous avez lu Le Rivage des Intouchables de Francis Berthelot? Il faut que vous le lisiez parce que l'univers, il est vraiment très proche et c'est incroyable. Voilà, merci beaucoup. Le Rivage de Berthelot. Vas-y, Chris. Tu as envie d'expliquer un petit peu le protocole? C'était ça, là. Alors, pour réinventer ces histoires, c'est un peu un long projet. À la base, ça a commencé plutôt par une forme d'émission de radio. Et puis, on trouvait qu'on se mettait un peu trop nu. parce qu'on mélange nos intimités avec des mondes fictionnels et on ne sait jamais ce qui pouvait trop se prévoir en direct. Mais en gros, une fois qu'on a fabriqué un monde par tour de ce qu'on appelle une spirale, ça veut dire que chacun va poser une envie. Tiens, ce serait un monde amphibien. Tiens, ce serait une version de Rennes engloutie. On va commencer à se poser la question de se dire quel problème j'ai. Et ça va être ça le thème de l'histoire. Et on se dit, ah bah... je sais pas quelle. Et c'était très centré sur les questions de parentalité et de genre et de kink. Au départ, ça a été vraiment pensé comme ça. Et d'utiliser le fait de pouvoir changer de corps et de monde et d'avoir plus de membres ou moins de membres pour imaginer. Ça y est, je parle trop. Non, c'est super. Si, vous me jugez avec vos yeux. Et voilà, est-ce que vous voulez compléter ce que mon stress dit? Tu t'as envie de... J'ai pas écouté. Non, mais ouais, techniquement, sur le protocole, on a un peu un protocole en deux parties hein, qui permet d'abord de créer à plusieurs, de faire émerger un univers qui est un petit peu une sorte de paysage ou de fond dans lequel vont ensuite se dérouler des histoires. Et là, on a un deuxième protocole qui est presque de l'ordre un peu du jeu entre nous, où chacun chacune va porter, incarner un personnage et va être un peu guidé, épaulé, écouté par les autres pour faire évoluer son personnage dans cet univers. Et puis, je crois aussi qu'il y a un truc de comment on arrive ensemble à trouver des solutions à des problèmes et qu'il y a vraiment cet enjeu de trouver des solutions collectivement à des choses qui nous traversent individuellement dans nos vies réelles, quoi. Et qu'on peut transposer dans nos avatars. Ou dans... des avatars, que ça peut être en termes de personnages ou en termes de paysages. Est-ce que... quelqu'un... une autre question? Vous mettez des panneaux photovoltaïques dans votre histoire naturelle? C'est pas un peu surnaturel, non? On fait une chose très particulière qui s'appelle de la fiction hors science. Donc on invente des mondes dans lesquels la science n'a pas cours. Ce qui permet toutes les libertés de régler ces problèmes grâce à l'imaginaire. Et une fois qu'on a réglé ça dans l'imaginaire, on trouve des versions concrètes dans le monde réel. Bien ou pas? C'est super. Tu veux dire sur le titre ou sur le projet Ah, sur le protocole, il y a eu, il y a des inspirations qui viennent pas mal du jeu de rôle en fait, et de jeux narratifs et de jeux de rôle sans maître du jeu, voilà, et qui permettent de tisser des narrations à plusieurs. Vous voulez compléter peut-être? Moi j'ai toujours un truc à dire. Bah oui, mais vas-y, si tu veux même citer les jeux. Alors, il se passe une chose incroyable dans le monde du jeu de rôle depuis 5-6 ans, qui est que les communautés queer, à différents endroits du monde, mais genre un peu en Europe, un peu aux États-Unis et beaucoup en Asie du Sud-Est, développent des systèmes de co-création avec peu de dés, peu de moyens, et aussi un paradigme de tout est en do it yourself et tout est, tous les outils sont mis en partage. Et donc, quelqu'un va inventer un système pour faire tourner la parole et puis quelqu'un va se le réapproprier pour faire un autre jeu et ça circule énormément. Donc, il y a toute une émergence de jeux à ce qu'on peut appeler en narration partagée ou alors des jeux où tout le monde est meneuse de jeu. Et donc, ça grouille, il y en a partout. Et je peux en parler pendant des heures parce que je trouve ça incroyable. Et voilà. Et donc, en fait, il y a des choses qui sont récupérées de plusieurs jeux. Dans la manière dont on écrit, il y a une manière de fabriquer le monde qui est issue d'un jeu qui s'appelle The Ground Itself. Et c'est un jeu où, collectivement, on interprète une portion de paysage à travers le temps. Et en fonction de la partie, ça va être sur des semaines ou sur des siècles. Et donc, le sujet ou le personnage principal, c'est le terrain. Et c'est des choses qu'on a repris mais transformées pour fabriquer une partie de nos diégèses. Et après, sur la manière de raconter une histoire et de mettre quelqu'un au centre et de se dire est-ce que c'est complètement horizontal ou est-ce que chacun notre tour, on se met au centre et les autres viennent customiser l'histoire de l'autre ou proposer des choix multiples. On a emprunté ça à d'autres jeux qui étaient moins queer mais qui nous offraient un bout d'algorithme littéraire pour régler ce problème-là, quoi. Eh bien, merci pour vos rétines d'avoir photosynthétisé autant de soleil. Et j'espère que vous aurez de très beaux cheveux verts. Merci.